Gagner du temps sur le bitume comme une cigarette. cigarette qu'on allume. Gagner du temps sur le bitume, c'est une vie qui se consume. Dima for solo, nice, very nice. It's a cool song. Où es-tu, Manu? Manu, il est arrivé, il est parti. Il est où, Manu? Manu a disparu. Manu, il a disparu. Ok. Look for a song for you to play solo.